Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fala nazal naqra fi hadihi ar-risala al-mufida. On lit toujours cette risala wa lillahi alhamd, miftah dar al-salam bi tahqiq shahadatay l'islam de Sheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah. Il explique les deux shahadas. Et on est arrivé, on a lu la troisième condition, al-qaboul, laha, al-munafil al-rad. Ma dalil ala hada al-shart? Tfaddal akhi. وهم لا يستكبرون أحسنت فلا يستكبرون عنها أي يقبلون إذا أكسبت أما بعضهم يغجت ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون هذا كبر استكبار عن الحق إذا ما أكسبت فمن شروط لا إله إلا الله القبول أي دكسبت هذه الكلمة فائدة. On lit avant de commencer le quatrième short, Inch'Allah. Al-Nas min hayth al-sama' wal-qaboul aqsam. Il y a plusieurs catégories de personnes par rapport à al-sama' wal-qaboul. Le fait d'entendre, d'écouter et d'accepter, tu vas avoir quatre genres de personnes. Et certains vont écouter sans accepter, certains vont ni écouter ni accepter, d'autres ils vont accepter et écouter. Ça donne plusieurs genres de personnes. Cheikh l'Islam il les a cités. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أهل السماع الذي أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سماع فقه وقبول. Plusieurs أدلة أن الله سبحانه وتعالى nous ordonne d'écouter السمع, d'écouter la révélation, d'écouter ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le but de cette écoute, c'est la compréhension. T'écoutes, tu comprends et t'acceptes. Et on verra dans le prochain short al-inqiyad, se soumettre, hey, œuvrer. C'est important, les conditions elles sont liées. Qala shaykhul islam wa lihada qasama an-nas fihi arba'ata asnaf. T'as quatre catégories de personnes. La première, qala sinfun mu'rid ممتنع عن سماعه كالذين قال فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Premier genre de personne, première catégorie, mu'ridun, ils se sont détournés. Même écouter, ils n'ont pas voulu. Écouter le message, écouter le prophète, ils n'ont pas voulu. Et ils se sont égarés. قال عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Les kuffars, ils disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تسمعوا لهذا القرآن. N'écoutez pas ce qu'il récite. وَالْغَوْ فِيهِ. Au contraire, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, certains ils levaient la voix, certains ils se moquaient, et ils essayaient de gêner cette lecture. حَتَّى. Les gens, ils n'écoutent pas. Les nakam min al-nas, en entendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter, ils se sont convertis. لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ. Ils ont écouté et comprenaient. C'est rentré dans leur cœur et ils se sont convertis. Et hadith Jubayr ibn Mut'im, c'est une preuve. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter un verset. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était fait Mecca, fait le haram, fait ma athkur. Et il est passé, Jubayr ibn Mut'im, c'était pas encore un musulman, et il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Une sourate al-Tur. Est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes, ou est-ce que c'est eux les créateurs? Et c'est inversé, il te fait réfléchir. D'où tu viens, Ant? Il y a bien un créateur, tu as été créé. Ce créateur, il a le haq sur toi, tu dois l'adorer. Enfin, Jubayr ibn Mut'im, en écoutant le verset, il a compris. Qala, radiyallahu anhu, kada qalbi an yatir. Tellement que c'est rentré dans son cœur. Qala, radiyallahu anhu, son cœur, il a failli s'envoler. Et il s'est converti, Mubashar. Enfin, les hadal kuffar, ils faisaient tout pour que le Coran ne soit pas propagé. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. N'écoutez pas ce Coran. Ça c'est la première catégorie, c'est des kuffars. Deuxième catégorie, من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى. Deuxième catégorie, il a entendu un son, لكن il comprend pas. Il est aveuglé, عياذا بالله. قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هؤلاء الله سبحانه وتعالى il les a aveuglés, il les a égarés. ومنهم من يستمع إليك, et certains parmi eux, أي الكفار, ils t'écoutent. وجعلنا في قلوبهم أكنة, Allah سبحانه وتعالى il les a aveuglés. Ni leur cœur, ni leurs oreilles, ils n'arrivent pas à comprendre. قال الشيخ سعدي رحمه الله. Ici, on est obligé de faire une précision en Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah, il est injuste envers personne. Donc, le fait qu'ils ont été égarés, aveuglés, il y a une cause. قال الشيخ سعدي أي وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَوْمٌ يَحْمِلُهُمْ بَعْدَ الْأَوْقَاطِ بَعْدَ الدَّوَعِ إِلَى الْإِسْتِمَاعِ. Aïe, il y a des raisons. Un certain kuffar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'écoutait. Min qasd al-haq wa ittiba'i wa li hadha la yantafi'un bi dhalika al-istima' li 'adam iradatihim al-khayr. Et ça c'est important. Non, ils n'écoutaient pas pour le haq. Ils n'écoutaient pas pour profiter, pour comprendre. Là, c'était imma pour se moquer, imma la curiosité. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils restaient dans leur kuffar. Troisième catégorie, من سمع الكلام وفقهه لكن لم يقبله ولم يطع أمره كاليهود. Troisième catégorie, ils ont écouté, ils ont compris, لكن ils ne se sont pas soumis. كاليهود, les juifs, قاتلهم الله. Ils ont compris le message du prophète صلى الله عليه وسلم, لكن l'orgueil, ils n'ont pas voulu accepter. قال شيخ الإسلام, قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. Un ordre, un homme, ils écoutent, ils comprennent, ils appliquent. قالوا سمعنا, ils ont répondu نعم, on a écouté, لكن on désobéit. أي بعلم وعناد وكبر. فهؤلاء الآن, ils n'ont pas حقق la shahada. لماذا؟ لأنه il est obligé d'accepter أحكام الله. Il est obligé de reconnaître le Nabi صلى الله عليه وسلم que c'est un messager, de le suivre tant qu'il peut. Quatrième قسم, الذين سمعوا سمع فقه وقبول. Quatrième catégorie, ils ont écouté, ils ont compris et ils ont accepté. هؤلاء أهل التوحيد. C'est eux qui ont compris la ilaha illallah, ils l'ont appliqué. Et inshallah, c'est eux السعداء. قال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء المؤمنون الصالحون السعداء. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول, quand ils écoutaient les versets qui descendent sur le prophète صلى الله عليه وسلم, ترى أعينهم تفيض من الدمع, tellement qu'ils étaient touchés, tellement qu'ils avaient l'iman, ils versaient des larmes, ils pleuraient. مما عرفوا من الحق, parce qu'ils savaient que c'était le haq. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Ils faisaient du'a, Allah سبحانه وتعالى il les guide et il leur facilite. هذه الأقسام الأربعة, elle te détaille plus ce شرط القبول. هذا الشرط, on est obligé de comprendre et d'accepter. Ça ne suffit pas une compréhension. بعض الناس ils comprennent. Ils comprennent la ilaha illallah, ça veut dire la ma'bouda haqqun illallah, ils reconnaissent que c'est Allah le créateur. Lakin, ils n'acceptent pas d'adorer Allah seul et de délaisser الشرك. هذا لا تنفعه. Exactement comme Kuffar Quraysh. Ils ont compris. Lakin, ils n'ont pas voulu délaisser leurs idoles. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث. الشرط الرابع, quatrième condition, الانقياد. لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها. الانقياد, أي se soumettre. لمعناها. هذا المعنى الآن, on est obligé de l'accepter, de le comprendre, العلم. De l'accepter, al-qaboul, kadhalik al-inqiyad li ma'naha. Ce sens que tu as compris et que tu as accepté, tu es obligé de l'appliquer. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et s'écarter du shirk. Obligé. Amma wahid, il accepte. Matalan de la dire et il reconnaît le ma'na. Summa, il adore autre qu'Allah. Hal inqada, est-ce qu'il s'est soumis à ce qu'il a accepté, ce qu'il a compris? Abadan. Elle lui est d'aucune utilité. On doit faire des efforts et se soumettre tout ce que Allah nous a ordonné de faire et tout ce qu'il nous a interdit sans l'écarter. Plus on fait, plus une qiyad sera complet. Il ne faut pas comprendre celui qui délaisse une ibada, il n'a pas de la ilaha illallah. Là, c'est comme l'yaqin. L'yaqin, il y avait des degrés, on l'a cité. Bard al-Nas, ils ont un qiyad tam, Bard al-Nas, ils ont un dhaf. Et on lira la parole de Cheikh Abdelaziz, rahmatullah alayhi. Qala, al-inqiyad li ma'naha al-munafi li tarki l'amal bi muqtadaha. Et on a cité le muqtada. Qui c'est qui nous le rappelle? Muqtada shahadati an la ilaha illallah. On l'avait cité fil ma'na. Qui c'est qui nous rappelle le ma'na? Ma'na la ilaha illallah. Ma ma'budu bi haqqi illallah. Na'am, la ma'buda haqqun illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Hadi hiya al-ma'na. Al-muqtada. Inda man? Indak. Al-amal. Al-amal bimada? Al-tawhid. Na'am. Al-muqtada ay an ta'bud Allah wahdahu la sharika lah. Si tu reconnais, tu comprends que la ilaha illallah, ça veut dire personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, ça va impliquer que tu l'adores seul. Est-ce que celui qui a compris la ilaha illallah, thumma, il égorge pour une tombe, ou il égorge pour un djinn, ou il invoque un mort, est-ce qu'il a appliqué al-ma'na? La. Fait cette connaissance, ce ilm qu'il a, bil-ma'na, ça lui est d'aucune utilité. Les ma'ada, les annahu, il ne s'est pas soumis. Comme les nas, ils connaissent des choses, et ils ne les appliquent pas. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه في شرحه الاستسلام والانقياد والإذعان بمعنى واحد أي بلا إله إلا الله الانقياد تأمو كي lui ressemble c'est l'استسلام c'est pour ça que العلماء يعرفون الإسلام بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله c'est ça l'islam se soumettre à Allah avec tawhid, c'est-à-dire adorer Allah seul. Shirk, ça contredit l'islam. Ou l'inqiyad lahu bitta'a, se soumettre, appliquer. Ou l'bara'atu min al-shirk, se désavouer du shirk et de ahl al-shirk. Les détester, etc. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, par rapport à l'inqiyad. Wa hadha al-inqiyad wa al-istislam huwa naw' min al-irada wa al-amal. Wa la yakun mu'minan illa bi majmou' al-amrayn, at-tasdiq wa al-inqiyad. Donc il faut at-tasdiq, al-qaboul, accepter, connaître le ma'na, saddiq, il le faut. Kadhalik al-inqiyad. Donc, at-tasdiq, ça va être avec le cœur, et al-inqiyad, ça va être des a'mal, du cœur et des membres. Qala, faman taraka al-inqiyad kana mustakbiran. Celui qui délaisse l'inqiyad, et il se soumettra à Allah Azza wa Jalla, en l'adorant seul, en délaissant le shirk, fahada, c'est un mustakbir. كما حصل لليهود للمشركين فصار من الكافرين وإن كان مصدقا même s'il reconnaît que c'est حق لكن il applique pas ce حق ça lui est d'aucune utilité مثلا واحد il reconnaît l'islam c'est حق il dit نعم c'est حق الشهادة c'est حق ثم on lui dit prononce il dit لكن je prononce pas est-ce que ça lui est utile ça lui est pas utile ou il prononce ثم on lui dit لكن pour être musulman il faut délaisser la religion des Nasara, de l'Yahoud. Il nous dit là. Il nous dit là, je sais que c'est haq l'islam, je prononce, je fais salat, etc. Lakin pour dire que al-Yahoudiya ou al-Nasraniya ou al-Shirk c'est batil, là. Est-ce que ça lui est utile? Abadan. La bud min al-inqiyad. Reconnaître que Allah c'est le seul qui mérite l'adoration et s'écarter du shirk. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wa qal ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. فالإيمان ليس مجرد التصديق. الإيمان c'est pas que صدق. بعض الناس ils pensent que c'est ça الإيمان. Je sais que le dîn c'est حق. Donc moi ils appellent cela une croyance. Ma croyance je sais c'est حق. Je dément pas. Ça suffit pas هذا. قال ابن القيم فالإيمان ليس بمجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. Reconnaître que c'est حق. Thumma se soumettre en appliquant. C'est ça le dîn. Amma wahid, il reconnaît que c'est haq et il ne fait rien. Il n'adore pas Allah Azza wa Jal. Il ne délaisse pas al-shirk ou al-kufr. Est-ce que ça va lui être utile? Abadan. Ça va lui être utile en rien. Il reconnaît une chose qu'il n'applique pas. Qala Allah Ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Al-aya. Yuslim wajhahu ila Allah fayanqad ويقبل على طاعته وهو محسن أي موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى إلى ستة دي شوز يسلم وجهه إلى الله وهو محسن أي يسسوم سسال إنقياد سموحد فهذا سشهد ألي بلبل فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها وهو المعنى بقوله تعالى بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ قال وفي الأربعين أي les 40 hadiths que l'imam al-Nawawi il a rassemblé dans sa risala les 40 Nawawi ce livre il est connu, il est mashhour عند الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فجعل الشرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الحديث اللي ضعيف كما مر معنا comme on a vu dans des doros précédents avec certains frères ولله الحمد quand on avait expliqué les 40 نووية أن هذا الحديث اللي ضعيف ضعفه بعض أهل العلم والمعنى إذا صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بها المعنى ألا صحيحة أما السند من حيث الصحة فلا إلى ضعيف قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في مجموع فتاواه المجلد الخامس والعشرون الفوليوم نمرو 25 قال الحديث هذا صححه جماعة وضعفه وضعفته جماعة صححته جماعة وضعفته جماعة أي من أهل العلم les savants ils ont divergé بعضهم ils ont dit qu'il est authentique بعضهم ils l'ont rendu faible الصحيح c'est que c'est un hadith faible ومما قال صاحب الحجة لا يؤمن المؤمن إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان يهوى الزنا ويفعل المعاصي يكون إيمانه ناقصا c'est important هذا أنه ne pas comprendre من نفي الإيمان هنا مطلق الإيمان أي الإيمان أنتي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به c'est important de comprendre أن نفي الإيمان هنا c'est pas أن celui qui délaisse une chose de ce dîn أنه c'est un كافر أو أنه il est attiré sa هوى l'attire il est matalan vers zina ou l'alcool s'il fait cette chose annahu il a pas appliqué ce shart et c'est un kafir la Cheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayhi yanqul kalam sahib al-hujja amma idha kana yahwa az-zina wa yaf'al al-ma'asi yakun imanuhu naqisan wa kadhalik idha kana yahwa al-ghayba aw an-namima aw yaf'alaha yakun imanuhu naqisan ba'd an-nas ils ont marad annahu il peut pas délaisser ces choses فربما tu le conseilles لكن دائما il parle sur les gens أو عيادا بالله l'alcool أو الزنا certaines معاصي ففي الحقيقة c'est le هوى c'est ses passions qui le poussent à faire ces choses فne pas comprendre le hadith لا يؤمنون أنه il n'a pas d'iman du tout لا ça dépend de la chose شيخ ابن باز يقول رحمه الله فلا يكون إيمانه كاملا حتى يكون هواه وميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما celui qui n'est pas attiré par ces choses, bel il est attiré par sunnah, et il applique sunnah, il applique tawhid, voilà, chacun a son iman, il est qawl. Et par rapport à son délaissement, aux interdits qu'il commet, son iman, il descend. قال وإذا تابع هواه وأطاع الشيطان فهذا نقص في الإيمان. S'il a suivi shaitan, et il a commis ce péché ou délaissé cette obligation, c'est une faiblesse de foi. Et après, ça dépend de quelle obligation il a délaissé et quelle interdit la commis. قال الشيخ ابن باز وهذا النقص قد يرتقي به الى الكفر. Ça peut devenir du كفر. قال فاذا وافق هواه في عباده غير الله. اما si il suit sa hawa et il adore autre qu'Allah, فهذا il a annulé ce shart complètement. Il s'est pas soumis à il a adoré autre qu'Allah. فهذا c'est un kafir. Comme on verra dans le cinquième shart al-ikhlas. Et il a adoré autre qu'Allah. Il lui manque la condition, la sincérité. Il a adoré autre qu'Allah. فَإِذَا وَافَقَ هَوَا فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَفِي الْإِسْتِهْزَى بِالدِّينِ أَوْ سَبِّهِ أَوْ إِسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ أي لنواقع الإسلام qu'on a étudié ensemble. Il se moque de la religion. Ou il rend halal une chose de haram. ou il, comme on a dit, se moque, ou il insulte Allah, ou il adore autre qu'Allah, ça c'est du kufr. À ne pas comprendre à chaque fois que wahid il suit le hawa, il délaisse une obligation, ou il commet un interdit, c'est un kafir. L'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: le hadith il est daïf, mais il y a des preuves en ce sens, mais la compréhension par rapport à ce délaissement, par rapport à cet interdit. Si c'est un interdit qui fait sortir de l'islam, il sort de l'islam. Que le shirk, la sorcellerie, etc. Les annulations de l'islam qui sont connues. Ou délaisser une obligation. Maintenant, il délaisse tawhid. Hada la shak fi kufr. Ou il délaisse salat. Il y a un khilaf bayna ahl al-ilm. Ba'dhum disent ça le fait sortir de l'islam, ba'dhum la. Aham shay, c'est de bien comprendre le hadith bi fahm al-ulama. Et on précise, on a ce genre de livre, tu les comprendras mieux avec l'étude d'autres livres. Et Nabardana Sorubama, c'est son premier livre où il lit certaines preuves ou certains kalam d'Ahl al-Ilm et il les comprend mal. Rubama, il kaffar al-Nas bighayri haqq. Thumma yaqul, lakin j'ai lu, le prophète il a dit. Là, il y a beaucoup d'adillah. Ce hadith, le prophète sallam, il dit: La yumin ahadukum hatta yakun hawa, taba'a lima ji'tu bih. Si on dit qu'il est sahih, ma'anahu, il n'est pas sahih. T'as un autre hadith, le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il dit: Wa in ta'ifatan min al-mu'minin. Ce hadith, ou ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre que si deux groupes de mu'minis s'entretuent, ils se combattent, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés mu'minis, les deux groupes. Mais le fait de s'entretuer entre mu'minis, c'est pas permis. Donc si tu rassembles les adillah, tu verras que d'autres preuves, elles te montrent que c'est un musulman ou c'est un kafir al-muhim. Faire attention, ne pas se précipiter. بعض الناس ربما يليز بعض كلام أهل العلم أو دي فيرس أو دي أحاديث ثم إلى إن كومبرانسيون ريستخانت إي كومبران با ربما يدي فلان كافر ألوغ كو سي با أن كافر التكفير يا دي شروط يا دي موانع إي أون ديفيرونس أنتر التكفير المطلق والمعين راند كافر أون بيغسون بريسيز ألوغ كو سي أن مسلم سي با من السهل فلا يزول اليقين إلا باليقين سي سي أن مسلم باليقين أون با فير سورتي دو الإسلام إلا سي أون إي سور. Et ça, c'est pas tout le monde qui parle via des masaïls. On fait cette précision. Ils entendent Bad al-Kalab et ils le comprennent mal. قال الشيخ بن باز: أو استحل ما حرم الله انتقل إلى الكفر وصار مرتدا عن الإسلام نسأل الله السلام. نعم انتهى. فهذا. فça dépend de cette chose. فلا يؤمن أحدكم. Ça peut être نفي الإيمان الكامل. Et ça peut être nafi asl al-iman. Ça dépend de la chose. Ça peut être son iman il descend et ça peut être il a plus d'iman du tout. Fahada ma yata'allaq bi al-inqiyad. Al-muhim anna al-wajib al-inqiyad li ma'naha. Al-inqiyad c'est bi ma'na al-amal. Ba'duhum yufarraq entre al-qaboul. Al-qaboul ay accepter cette kalima avec son cœur. Wa al-inqiyad avec al-a'mal. Ay a'mal al-jawarih. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, s'éloigner du shirk, etc. Wa min ha'ula, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il explique anna al-qaboul li a'mal al-quloub ou al-inqiyad li a'mal al-jawarih. Al-qaboul, accepter avec son cœur, et l'inqiyad avec les membres. Et fil haqiqa, si al-qaboul il est cité tout seul, il englobe l'inqiyad. Celui qui accepte avec son cœur, il doit appliquer. Et si l'inqiyad il est cité tout seul, ça englobe l'acceptation du cœur. S'il applique avec ses hommes, il doit appliquer avec son cœur. Il peut avoir un cas où il applique avec ses œuvres et il n'a pas accepté avec son cœur. Manhum al-munafiq. D'apparence, une qada li hukmillah, il fait salat, tu penses que c'est un musulman, et c'est un munafiq, il n'a pas accepté avec son cœur. Fa nahnu les deux, al-qaboul bil-qalb et al-amal bil-jawarih. Et كذلك on la prononce avec la langue. C'est pour ça que les ulama yu'arifuna al-iman bi القول والعمل والاعتقاد قول باللسان عمل بالجوارح واعتقاد بالقلب قال الخامس cinquième condition الإخلاص إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. Cinquième condition, al-ikhlas. Dire cette kalima, l'appliquer tout ça sincèrement, lillahi azza wa jal. Amma al-shirk, adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça adore, ça annule toutes les œuvres. Al-shahada est autre. Wal-ulama, yu'arrifuna al-ikhlas, ils ont défini al-ikhlas, comme a dit l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, al-ikhlas, an yaqsud al-abd bi'amalihi wajha Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'ikhlas. An son intention avec ce amal, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Cette shahada, s'il la prononce, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ il prononce cette shahada, c'est pas pour Allah. مَثَلًا المُنَافِق. Vous comprenez pourquoi maintenant le munafiq, sa shahada, elle n'est pas acceptée. أَنَّهُ pas de qaboul avec le cœur. Pas d'ikhlas. On va voir la condition kadalik, as-sidq, être véridique. Tout ça, le munafiq, il lui manque ses shurut. C'est pour ça qu'elle lui est d'aucune validité. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ils sont plus bas fond de l'enfer, ayadam billah. Qala al-Shawkani, wajha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ad-din al-ibada wa at-ta'a ra'suha tawhidullah wa annahu la sharika lah. C'est ça la base de notre din, de l'ibada, de ta'a, c'est tawhid. Celui qui fait du shirk, il annule tout son din. Qala al-Imam Shanqiti rahimahullah fi adwa al-bayan, al-ikhlas ifrad al-ma'bud bil qasd fi kulli ma amara bit taqarrub bihi ilayhi. Ta'rif tayyib. Al-ikhlas, ifrad al-ma'bud, unifier Allah subhanahu wa ta'ala bil-qazd, dans ton intention, ton but de tous tes amals, c'est quoi? C'est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, ils ont démontré al-shahada, plus précisément, et c'est notre cours d'aujourd'hui, elle est liée à l'ikhlas. Enfin, celui qui n'est pas mukhlis, il n'a pas de shahada. Qala shaykh al-islam, rahimahullah, كما في اقتضاء سورة المستقيم الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن يتأله القلب غيره. Donc cette shahada, si tu l'as dit, ça implique que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. On l'a cité في المقتضى. Celui qui dit la ilaha illallah, il a témoigné, n'a personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Il doit être sincère في هذا. Sa sincérité, elle va le pousser à appliquer et à détester ce qui contredit hadith tawhid. Qala al-imam Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi, man qalaha mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah. Il a cité le hadith, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hakada fi al-hadith. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah et il est mukhlis, la bud min hadha al-shart. فدل على ان هناك من يقولها غير مخلص بها وحسابه على الله. Les gens, on les juge par rapport à Allah, par rapport à ce qu'on voit. Celui qui dit la ilaha illallah, la base c'est qu'il a dit la ilaha illallah et c'est un musulman, bien sûr, c'est, et il n'admet pas ce islam. اما s'il n'est pas sincère, فحسابه على الله يوم القيامه, il regrettera, ça lui sera d'aucune utilité. فمثلا المنافق qui dit la ilaha illallah, ربما في الدنيا il profite. Ses biens sont préservés, son sang il est préservé. Robama il est enterré avec le muslimin. Robama le muslimoun ils font salat sur lui. Et yawm al-qiyama ça lui est d'aucune utilité. Il est fin nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qad ajma'u anna ahkam al-dunya ala al-zahir wa anna al-asrar wa anna asra'ir ila Allah azza wa jal. Ça c'est important. Al-ahkam fi al-dunya c'est ala al-zahir. La personne elle est jugée par rapport à ce qu'il fait en apparence. As-sara'ir, et ce qu'il y a dans le cœur, c'est ilallah azza wa jal. Une autre précision, an-nas yatafawatun fil ikhlas. Vous avez remarqué que ces shurut, les musulmans, ils ne sont pas tous au même niveau. Ba'duhum, il a un yaqin qawi, ikhlas qawi, inqiyad qawi. Et tu trouves un autre musulman, il a ces shurut, mais il a des faiblesses. Enfin, on n'est pas tous au même niveau. Qal shaykh al-islam fil fatawa wa kullama haqqaqa al-abd al-ikhlas fi qawl la ilaha illallah kharaja min qalbihi ta'alluh ma yahwa. Plus il fait des efforts fi tahqiq hadha al-shart, plus il délaissera ses passions. Limadha li'annahu il est mukhlis et il fera tout pour se rapprocher d'Allah et s'écartera de tariq al-shaytan. Amma tout ce qui est lié avec shirk, ce qui contredit hadha al-shart, enfin, on l'a vu, wallahi alhamd fi nawaqid al-islam, on l'a vu kathiran fi kitab tawhid, et c'est ce point avec tawhid, c'est étudié en détail dans les livres de tawhid qu'on a étudié ensemble et qu'on étudiera inshallah ta'ala. Qala Sheikh Hafiz rahmatullah alayh, وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشاهد قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, أي on a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, on n'a pas le droit d'adorer autre. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Ce verset est طيب في هذا الموضع لأن المنافق يدي لا إله إلا الله. C'est pour ça que c'est un منافق. Il dirait pas لا إله إلا الله, ça sera un كافر comme les autres كفار. أما يفعل apparaître الإسلام. Et la première chose qu'on fait apparaître c'est الشهادة. Allah subhanahu wa ta'ala il démontre أنهم ils sont في النار malgré qu'ils ont dit لا إله إلا الله. ثم Allah subhanahu wa ta'ala il démontre les causes pour que la ilaha illallah leur soit profitable. قال عز وجل إلا الذين تابوا, ils font tawbah. لماذا؟ لأنهم ils ont trahi les mu'minin, ils ont menti et ils ont fait apparaître des choses qu'ils ne croyaient pas. لابد من tawbah. وأصلحوا, ils se corrigent, أي des أعمال. واعتصموا بالله, ils suivent le Coran et ils suivent le Rasul que Allah il a envoyé. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, et s'écartent du mensonge et ils doivent être sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, هَؤُلَا الْآن c'est plus des munafiqun, il est avec le mu'minin. ظَاهِرًا وَبَاطِنًا, en apparence et à l'intérieur. قَالَ شِحَافِدْ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَ الشَّرْطْ كَوْنِهِمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أن يخلصوا دينهم لله فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. Celui qui l'a dit et il n'est pas sincère, ça ne fera pas de lui un musulman. لأن cette parole a la des conditions et parmi les conditions الإخلاص, la sincérité. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Celui qui meurt et il n'a pas fait de shirk, فَهَذَا il est fi al-jannah. Et même s'il a fait du shirk et il a fait tawbah, il est considéré, il est mort et il n'a pas fait de shirk. لأن التوبة تجب ما قبلها, la tawbah elle efface tout. تعالى كل حد, celui qui meurt sans faire de shirk, il est min ahli al-jannah. وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Celui qui meurt et il est mort à la shirk, al-akbar iyadan billah, il est éternellement en enfer. Ça nous montre en a celui qui fait du shirk, il n'a pas été sincère dans l'adoration, la ilaha illallah la tanfa'u. En a celui qui meurt à la ilaha illallah, il va fil jannah. Imma dukhul awwaliyan kama taqaddam, imma il rentrera directement, imma ba'd mudda, ala kulli hal il est min ahli al-jannah. Amma al-mushrik fala. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Et dans l'autre verset, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah il annule toutes les œuvres du mushrik. Et parmi ces œuvres, la ilaha illallah, le fait qu'il la prononce, c'est annulé. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Ibn Mas'ud wa Jabir wa ghayrihima wa lima qala lahu wa lamma qala lahu Abu Huraira man as'ada an-nas bi shafa'atik ya Rasul Allah qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Al-hadith kadhalik sahih Muslim, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Abu Huraira il a demandé au prophète sallam, c'est qui parmi les gens qui mérite ton intercession yawm al-qiyamah? Le prophète sallam qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, ay al-mu'min. Ça montre que le kafir il profitera pas de shafa'a. Wa hadha mimma la yahtamil at-ta'wil wa la yahtaj ila tafsil. Cheikh Hafiz il conclut hadha al-shart an ya aucune interprétation à faire, les textes ils sont clairs. La bud min al-ikhlas. Al-anbiya wa ar-rusul, Allah subhanahu wa ta'ala il les a envoyés pour appeler au tawhid al-ikhlas. Donc ce sujet il est clair, wala yahtaj ila tafsil, et on n'a pas besoin de détailler, c'est tellement clair, walillahi alhamd, que Cheikh Hafiz iktafa bihadha. Fa deux shart on a vu l'homme, ar-rabi' al-inqiyad, se soumettre, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et cinquième condition, al-ikhlas, la sincérité. Fa al-hadr min al-shirk, al-hadr, lian al-shirk il est muntashir. بعض الضلال ils essayent de faire croire qu'il n'y a plus de shirk, on est tous des mu'minoun. Là il y a du shirk في بعض البلدان الشرك اللي منتشر انهم demandent à des awliya انهم ils égorgent aux morts انهم ils vont voir des sorciers انهم ils placent leur confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ils égorgent pour les djinns, Tout ça, c'est min al-ibadat. Al-wajib, c'est que ces ibadat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Fal-hadar min al-shirk. Al-shirk, il annule toutes les œuvres. Celui qui meurt à la shirk l'akbar, iyadan billah, il ne sortira jamais min al-nar. C'est le point essentiel de notre dîn. Al-tawhid, ce qui l'annule, c'est shirk. Et cette étude, c'est que pour comprendre al-tawhid, l'appliquer et pour comprendre shirk et s'en écarter. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala, al-tawfiq wa al-sadad. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك